La reine des îles fleuries. Il y avait autrefois une reine qui régnait sur les îles fleuries. Son mari était décédé quelques années après leur mariage. Sa douleur n'avait jamais disparu. Elle s'est alors entièrement consacrée à l'éducation des deux princesses, ses seuls enfants. En grandissant, la reine craignait beaucoup que l'exquise beauté de Lily, la plus âgée, n'attise la jalousie de la reine de toutes les îles. Car la reine de toutes les îles se targuait d'être la plus belle femme du monde et insistait pour que toutes ses rivales s'inclinent devant ses charmes. Afin de satisfaire sa vanité, elle avait exhorté le roi, son mari, à faire la guerre à toutes les îles environnantes. Et il le fit. Son unique souhait étant de faire plaisir à sa reine, avec une seule condition. Toute princesse de sang royal des pays nouvellement conquis devrait se présenter à leur cour dès l'âge de 15 ans et rendre hommage à la beauté de sa reine. La reine des îles fleuries était bien décidée à présenter sa fille à la fière reine le jour de son 15e anniversaire. La grande beauté de la jeune princesse était connue et la reine était au courant. Elle attendait sa visite avec inquiétude. Oh, pardon. Es-tu prête, ma princesse? Oui, maman. L'anxiété de la reine s'était vite changée en jalousie. Car lorsque le rendez-vous eut finalement lieu, il était impossible de ne pas être ébloui par ses charmes. Et elle fut obligée d'admettre qu'elle n'avait jamais vu quelqu'un d'aussi délicieusement adorable. Mais rien n'aurait pu lui faire croire que quelqu'un puisse l'éclipser. J'ai bien peur de ne pas me sentir bien, tu sais. Nous devrons poursuivre une autre fois. L'admiration de toute la cour l'avait rendue tellement en colère qu'elle dut prétendre être malade pour se retirer dans sa chambre. Elle fit savoir à la reine des îles fleuries qu'elle ne serait pas en mesure de la revoir un jour. Elle confia à l'une des grandes dames de la cour qu'elle lui conseillait de retourner chez elle avec la princesse. Mais comme c'était une vieille amie de la reine des îles fleuries, la reine ne tarda pas à comprendre. Consciente des pouvoirs magiques de la reine furieuse, elle prévint sa fille qu'elle était menacée d'un grand danger et qu'elle ne devait quitter le palais pour aucune raison au cours des 6 prochains mois. Les 6 mois étaient presque passés, et le dernier jour, une splendide fête était donnée dans un champ près du palace. La princesse implora sa mère de la laisser aller au champ. Et la reine, pensant que tout était terminé, lui fit la promesse de l'y emmener. Ne va pas trop loin, Lily. D'accord, maman. La reine et sa cour étaient tellement heureux de voir la princesse qu'ils aimaient tant enfin libre. Sois prudente. N'es-tu pas trop mignon comme chien? D'où est-ce que tu viens? Où sommes-nous? Il y a une minute, j'étais avec ma mère et ma sœur. Et là, je suis ici. Montre-moi le chemin, petit chien. Oh, waouh! Regarde ce que tu as trouvé pour moi. La princesse courut à cet endroit charmant et s'assit sur l'herbe pour profiter du moment. Ce qui ne dura pas longtemps, quand elle commença à penser au malheur et à fondre en larmes. Ce fruit et cette eau fraîche m'empêcheront de mourir, c'est sûr. Mais que se passera-t-il si une bête sauvage apparaît et essaye de me manger? La princesse passa la journée près de la fontaine, essayant de se distraire en jouant avec le petit chien. Mais à l'approche de la nuit, elle se demanda ce qu'elle devrait faire. Qu'est-ce que c'est? Ok, très bien. fatiguée de la journée qu'elle venait de passer, elle s'endormit rapidement. Là, elle mangea plus de fruits, but de l'eau, elle marcha au milieu des fleurs, joua avec son petit chien et rentra dormir la nuit dans la grotte. Plusieurs mois s'écoulèrent ainsi. Et lorsque ses terreurs disparurent enfin, elle accepta son destin. Un jour, elle remarqua que son compagnon semblait triste et qu'il ne la cajolait même pas comme d'habitude. « Est-ce que tu vas bien, toi ?» Craignant qu'il puisse être malade, elle l'emmena à un endroit où elle l'avait vu manger des herbes particulières, espérant qu'elle lui ferait du bien. Mais il ne les toucha pas. Lorsqu'elle se réveilla, sa première pensée fut pour son petit chien. Elle sortit de la grotte en courant pour le chercher. Bonjour. Le vieil homme disparut si vite qu'elle eut à peine le temps de le voir. Elle se demanda si son petit chien s'était égaré ou si le vieil homme l'avait volé. Notre mère, elle n'a pas survécu au choix de ta disparition. Oh non! La jeune princesse avait porté la couronne, qu'elle laissa à sa sœur, à qui elle revenait de droit. Nous allons partager le pouvoir. Le premier acte de la nouvelle reine fut d'honorer la mémoire de sa mère. Encore très triste par la perte de son chien, elle le fit chercher dans tout le pays. Et comme il n'avait pas pu être retrouvé, elle offrit la moitié de son royaume à quiconque retrouverait son chien. Des hommes partirent dans toutes les directions pour chercher le chien, mais tous rentrèrent les mains vides. En désespoir de cause, la reine annonça que la vie était insupportable sans son petit chien et qu'elle donnerait sa main en mariage à l'homme qui le lui ramènerait. La perspective d'un tel prix transforma rapidement la cour en désert. Tandis que tout le monde continuait de chercher, la reine fut informée un jour qu'un très vieil homme malade désirait lui parler. Parle, je t'écoute. Je suis prêt à donner son petit chien à la reine si elle est prête à tenir sa parole à propos du mariage. La reine n'a pas le droit de se marier sans le consentement de sa nation et le conseil général doit être convoqué pour une occasion aussi importante. On vous donnera un appartement dans le château tandis que le conseil se réunira pour discuter de ce qui sera fait. Merci, Majesté. Le lendemain, le conseil se réunit et sur le conseil de la princesse, il fut décidé d'offrir à l'homme une grosse somme d'argent pour le chien. Et s'il refusait, il serait banni du royaume. Mais l'homme refusa et il quitta la salle. Daisy informa la reine de ce qui s'était passé. Et la reine décida, étant sa propre maîtresse, de renoncer à son trône et de parcourir le monde jusqu'à ce qu'elle ait retrouvé son petit chien. Errer dans le monde pour un simple chien? Vous pourriez avoir n'importe quel chien ou homme que vous vouliez. Ma décision est prise, ma sœur. Alors qu'ils discutaient de la question, un chambellan apparut pour les informer que la baie était recouverte de navires. Regarde tous ces bateaux! Ils doivent venir d'une nation amie. Comment peux-tu savoir? Chaque navire porte des drapeaux, des banderoles et des bannières et déployait un grand drapeau blanc de la paix. Est-ce que tu comprends, Lily? La reine envoya un messager spécial dans le port et sut bientôt que la flotte appartenait au prince des îles Émeraude, qui implora de débarquer dans son royaume et lui présenta ses humbles respects. La reine le pria de s'asseoir et eut une conversation d'une heure avec lui. « Ma reine, J'ai beaucoup de choses étranges à vous dire, que vous seuls saurez si elles sont vraies. Oui, d'accord. Je t'écoute. Je suis voisin de la reine de toutes les îles. Un petit isthme relie une partie de mes états au sien. Un jour, alors que je chassais un cerf, j'ai eu le malheur de la rencontrer et, ne la reconnaissant pas, je ne me suis pas arrêté pour la saluer de façon appropriée. Madame, vous savez mieux que quiconque à quel point elle est poussée par la vengeance. Je l'ai appris à mes dépens. Je me suis vite retrouvé dans un pays lointain, transformé en petit chien. C'est alors que j'ai eu l'honneur de vous rencontrer, Votre Majesté. Mais la reine était encore assoiffée de vengeance. Alors, elle me transforma en vieil homme. J'ai eu tellement peur de paraître déplaisant à vos yeux que je me suis caché profondément dans la forêt. J'ai eu la chance de rencontrer une fée bienveillante qui m'a délivré du pouvoir de la fière reine. Elle me raconta vos aventures et où vous trouvez. La vanité et la jalousie de la reine des îles causèrent trop de dégâts. Les fées prirent tout son pouvoir pour la punir. Je viens maintenant vous offrir, madame, un cœur qui vous appartient entièrement depuis que nous nous sommes rencontrés dans le désert. Quelques jours plus tard, des nouvelles furent envoyées dans le royaume pour proclamer le mariage de la reine Lily et du jeune prince. Et ils vécurent heureux pendant de nombreuses années et dirigèrent bien leur peuple.